nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Voici la deuxième partie d'une série de 8 émissions consacrée à la pensée de Carl Gustav Jung. Après un premier volet très introductif sur sa filiation intellectuelle avec Sigmund Freud, cette émission s'attarde sur les notions d'anima et d'animus, c'est-à-dire la partie féminine de la psyché masculine et son pendant, la partie masculine de la psyché féminine. Il sera donc question de libido dans cette émission, mais la libido considérée comme un point de départ pour une analyse plus large de ce que Jung appelait l'énergétique psychique. Carl Gustav Jung ou la totalité de l'homme futur. Une émission de Bernard Latour. Ce soir, de l'anima et de l'animus, de l'ombre et de la projection, de l'énergétique psychique. Voici la seconde des émissions que nous allons consacrer à Carl Gustav Jung. Lors de notre première émission, nous avions effectué un survol rapide de l'histoire de la psychologie, de l'histoire de la psychanalyse, de l'évolution de la notion de l'inconscient, et nous avions vu qu'après les travaux de Sigmund Freud, deux courants essentiels semblaient s'être détachés, celui d'Alfred Adler avec le sentiment d'infériorité, le complexe de supériorité, la volonté de puissance, et d'autre part, le courant de Carl Gustav Jung. Un courant extrêmement complexe qui peut se définir par les notions d'inconscient collectif, d'archétype, d'anima, d'animus, d'ombre, autant de mots qui sont barbares au premier abord, mais qui recouvrent tous des notions très précises, des notions d'évolution psychique. Avec cette seconde émission, nous allons aborder dans le détail toutes ces grandes notions de la psychologie jungienne. La voie générale de ces premiers travaux va être la recherche de la notion d'individuation. Qu'est-ce que l'individuation ? Eh bien, vous, moi, chacun d'entre nous a une caractéristique propre. Il n'est point deux individus semblables. Mais, encore, faut-il que toutes les virtualités, toutes les potentialités qui sont dans le caractère de l'enfant puissent arriver à maturité, puissent s'épanouir dans l'homme adulte. Et il y a bien des limitations à cette évolution vers l'homme adulte. Il y a, d'une part, tous ces contenus qui sont dans l'inconscient, que nous ne connaissons pas, dont nous avons parfois le témoignage à travers des colères brusques, soudaines, inattendues, par exemple, à travers des lapsus de langage, par exemple, à travers les rêves aussi, bien entendu. Et puis, il y a aussi une part de nous-mêmes qui est refoulée par les interdits, ceux de la bonne société, ceux de la morale, ceux de la religion. Il ne s'agit pas ici, bien entendu, de faire un panégyrique de l'anarchie psychique, surtout pas. Mais il s'agit, pour l'individu, sur la voie de lui-même, sur la voie de la maturation, il s'agit pour cet individu de parvenir à l'épanouissement de toutes les virtualités qui sont en lui. Alors, comment parvenir à cette individuation ? Mais par un travail de recherche ? Et un travail de recherche qui a existé à toutes les époques, car enfin, les directeurs de conscience, les confesseurs dans l'Église catholique, qu'étaient-ils sinon des hommes prêts à aider leurs semblables à trouver la voie d'eux-mêmes ? Aujourd'hui, les directeurs de conscience et les confesseurs sont remplacés par les psychothérapeutes qui sont devenus des techniciens, disons, d'une certaine forme de la maïeutique moderne, de l'accouchement des âmes. Mais, vraiment, à toutes les époques, et nous en avons la preuve, ce n'est pas là une découverte de la psychologie moderne, à toutes les époques, l'homme a eu besoin, tout au long de sa vie, surtout dans la seconde moitié de la vie, après avoir, dans la première partie de l'existence, répondu aux nécessités biologiques de l'accomplissement de la race, l'homme a eu besoin, en approchant de la vieillesse et de la mort, de penser de se trouver entièrement lui-même face à cet inconnu qu'est l'au-delà. Mais il en est des lois psychologiques comme des lois physiques. Dès l'instant qu'il y a action, qu'il y a mouvement, qu'il y a étude, il y a fatalement énergie, dépense d'énergie. Alors le problème se pose d'une mobilisation de l'énergie. Mais quelle est-elle, cette énergie en matière psychologique ? Eh bien là, il faut revenir à un terme qui a été beaucoup employé, qui a été galvaudé, qui fait maintenant quelque peu sourire, c'est le terme de libido. Le terme libido signifie en latin « envie », »,« désir », et Freud déclare l'avoir emprunté à Moll. Le substantif latin est dérivé, lui, de « libet »,« mihi libet », »,« il me plaît de », »,« j'ai envie de ». C'est d'ailleurs en latin un substantif qui est souvent opposé à « licet », »,« il est permis de ». La libido, donc, dans l'optique freudienne, c'est le désir, et particulièrement le désir sensuel, le désir sexuel, l'énergie de l'instinct sexuel considéré comme englobant l'ensemble de l'affectivité. D'ailleurs, dans Essai de psychanalyse, Freud va écrire « Nous désignons ainsi l'énergie considérée comme une grandeur non encore mesurable des tendances se rattachant à ce que nous résumons dans le mot « amour ». J'employais à l'instant le terme de mobilisation de l'énergie. Mais c'est déjà un terme que l'on retrouve chez le français Pierre Janet. Et je vous rappelle que Carl Gustav Jung est venu pendant 6 mois à Paris, à la Salpêtrière, suivre l'enseignement de Janet. Mais revenons à Carl Gustav Jung. Voici ce qu'il écrit dans l'ouvrage « Ma vie ». Un thème qui me tenait déjà à cœur dans mon livre « Métamorphose et symbole de la libido » était la théorie de la libido. Je concevais celle-ci comme une analogie psychique de l'énergie physique, donc comme un concept approximativement quantitatif. Et c'est pour cela que je refusais toute détermination qualitative de la libido. Il me semblait important de me libérer du concrétisme qui s'était jusqu'alors attaché à la théorie de la libido, c'est-à-dire de ne plus parler de pulsion de faim, d'agression ou de sexualité, mais de voir toutes ces manifestations comme des expressions directes de l'énergie psychique. En physique aussi, on parle d'énergie et de ses manifestations sous forme d'électricité, de lumière, de chaleur, etc. Eh bien, c'est exactement la même chose en psychologie. Ici aussi, il s'agit en premier lieu d'énergie, c'est-à-dire de valeur d'intensité en plus ou en moins. Et les formes de son apparition peuvent être très diverses. Grâce à la conception énergétique de la libido, se crée une certaine unité de conception, tandis que les questions souvent controversées de la nature de la libido, est-elle sexualité, puissance, faim ou quelque chose d'autre, passent à l'arrière-plan. Je tenais aussi à établir pour la psychologie une unité comparable à celle qui existe dans les sciences physiques en tant qu'énergétique générale. C'est le but que j'ai recherché dans mon livre « L'énergétique de l'âme ». Je considère, par exemple, les pulsions humaines comme étant les formes sous lesquelles se manifestent les processus énergétiques et ainsi comme des forces analogues à la chaleur, à la lumière, etc. De même qu'il ne viendrait à l'esprit d'aucun physicien contemporain de faire simplement découler toute chose de la chaleur, par exemple, il est de même aussi peu admissible en psychologie de faire découler toutes les pulsions du concept de puissance ou de celui de la sexualité. Ce fut là l'erreur initiale de Freud. Il l'a rectifié postérieurement par l'hypothèse des instincts du moi pour, encore plus tard, conférer pour ainsi dire une suprématie au surmoi. Dans cette première approche de la conception de la libido, nous allons écouter un enregistrement que j'ai effectué à Zurich auprès du docteur Liliane Freyron. Je vous avais dit dans notre première émission qu'elle venait de faire paraître à Zurich un ouvrage intitulé « Von Freud zu Jung ». C'est une théoricienne de l'œuvre des deux hommes et elle nous apporte ici la différence de conception à nouveau entre Jung et Freud. Une des théories freudiennes qui a de tout temps provoqué la critique de Jung se rapporte à la théorie de la libido. C'est tout d'abord l'universalisme de la notion de la sexualité envers lequel sa critique se dirige. Ce qui lui fait défaut est, d'après Jung, l'aspect spirituel, l'aspect symbolique et religieux. En outre, la réduction de tous les phénomènes psychiques à l'époque infantile, à l'organisation infantile de libido, c'est-à-dire à la période orale, anale et phallique, est d'après Jung complètement insuffisante pour expliquer les phénomènes plus complexes du développement de la personnalité. Pour Jung, il n'y a pas seulement des instincts sexuels. Il y a aussi, dès le début de l'existence, les forces spirituelles. Il parle de l'esprit innuce, qui, en union avec les instincts sexuels, forme la base fondamentale de l'individu et de son développement. Toutes ces réflexions, et d'autres encore, visent à une nouvelle notion de la libido. Jung essaye d'introduire le concept d'une énergie psychique abstraite qui a comme seule caractéristique l'intensité énergétique du flux psychique. D'ailleurs, cette notion d'énergie psychique a toujours été naturelle à l'homme. C'est ce que Carl Gustav Jung nous rappelle dans l'ouvrage « L'énergétique psychique ». Même dans notre langage, pénètre sans que nous nous en rendions compte des considérations énergétiques. Ainsi, lorsque nous parlons de conviction affermie et lorsque nous employons d'autres expressions du même genre. Évidemment, il y a dans le langage populaire des expressions que nous employons inconsciemment et qui cependant recouvrent bien toutes ces notions découvertes. Alors, sur ce problème de la mobilisation de l'énergie, Jung nous a apporté des vues qui sont neuves. Et elles procèdent de ses connaissances approfondies et surtout de cette expérience permanente qu'il a eue, comme nous le rappelions dans notre précédente émission. Ainsi, il s'était rendu, comme nous l'avons vu, en Afrique. Et là, auprès des primitifs, il a éprouvé, il a remarqué combien les rituels ont pour fonction de mobiliser l'énergie. C'est ce qu'il nous dit dans l'énergétique psychique toujours. La complication souvent énorme des cérémonies de ce genre montre ce qui est nécessaire pour détourner la libido de son cours naturel, l'habitude quotidienne, et la pousser à une activité inhabituelle. Et dans l'homme à la découverte de son âme, il nous fait un récit, en Afrique orientale précisément. Il se trouvait très loin du terminus de chemin de fer et il lui fallait envoyer une lettre en Europe. Alors il faut qu'un courrier franchisse les 120 kilomètres et porte cette lettre. Carl Gustav Jung s'efforce de faire comprendre au jeune nègre en question ce qu'il attendait de lui et l'autre le regardait d'un air hébété. Survient alors, c'est Carl Gustav Jung qui parle dans l'homme à la découverte de son âme, survient alors un nègre somali qui me prit les lettres des mains et me dit « Tu t'y prends de façon maladroite et bête, je vais te montrer comment cela se fait. » Alors Carl Gustav Jung nous raconte une cérémonie curieuse où il y a de la danse, il y a du fouet, il y a le bâton du messager, on frotte les côtes du garçon qui va jouer le rôle de messager, on le maudit jusqu'à la 7e génération, voici d'ailleurs le texte de Carl Gustav Jung, et de lui frotter les côtes avec le bâton, de le secouer et de le maudire, lui et ses ancêtres, jusqu'à la 7e génération. « C'est comme ça qu'il te faut courir, criait mon nègre somali en mimant à l'indigène par une danse ce qu'il fallait faire. L'homme petit à petit s'éveilla, ses yeux s'allumèrent et un large sourire finit par s'épanouir sur toute sa face. Il avait compris. Il partit comme un boulet de canon et parcourut les 120 kilomètres jusqu'à la station d'une seule traite. » Évidemment, un tel récit nous fait rire, nous, hommes modernes, qui connaissons la volonté de la puissance, qui sommes des adeptes de Schopenhauer, qui connaissons la puissance de la volonté de notre conscient. Mais le récit que nous rapporte Carl Gustav Jung témoigne parfaitement de l'énergie psychique qui est dans l'inconscient et qu'il faut savoir mobiliser. Alors, quelques notions nouvelles encore sur cette énergétique psychique, sur cette libido. Il faut entendre par énergie psychique l'ensemble des forces qui animent et qui relient toutes les formes et toutes les activités du système psychique. C'est cette énergie-là donc qu'il faut englober sous le terme de libido. Actualisée, elle se manifeste toujours par des phénomènes spécifiques, les impulsions, les désirs, l'évolution, les affects, l'activité. Mais par contre, elle peut n'être que potentielle et elle va plutôt apparaître alors dans des possibilités non exprimées, des dispositions, des attitudes. Et puis, la loi de la conservation de l'énergie dans le domaine physique s'adapte aussi au domaine psychologique. Et elle va se manifester dans chaque contenu conscient ou inconscient, comme si une marge d'énergie se trouvait là à notre disposition. Mais cette énergie, lorsqu'elle se manifeste dans l'inconscient, elle anime alors les contenus qui s'y trouvent. Et ces contenus commencent à prendre une vie individuelle, autonome. Ils ont une activité telle qu'au moment où on s'y attend le moins, ils font irruption dans le conscient. Ils provoquent alors les troubles psychiques qui nous arrivent au moment où nous nous y attendons le moins. Ils provoquent les névroses, les psychoses. Parmi les contenus de l'inconscient, il y a les notions d'anima, d'animus et d'ombre. C'est cette dernière notion d'ombre que nous allons étudier dans un instant. Qu'est-ce que l'ombre ? Comment Carl Gustav Jung définit-il l'ombre ? Voici un extrait de La guérison psychologique. L'ombre personnifie tout ce que le sujet refuse de reconnaître ou d'admettre et qui pourtant s'impose toujours à lui, directement ou indirectement. Par exemple, les traits du caractère inférieur ou autres tendances incompatibles. Il semble dans cette première définition que l'ombre soit seulement la partie de nous-mêmes qui n'est pas très belle et que nous n'aimons pas montrer, que nous préférons taire, non seulement vis-à-vis de nos semblables et de la société, mais vis-à-vis de nous-mêmes. Combien y a-t-il d'hommes qui refusent de considérer, d'accepter la part négative qui est en eux ? Mais en réalité, cette notion d'ombre doit être beaucoup plus vaste, car voici ce que dans Aion, Jung ajoute. L'ombre est cette personnalité cachée, refoulée, le plus souvent inférieure et chargée de culpabilité, dont les ramifications les plus extrêmes remontent jusqu'au règne de nos ancêtres animaux. Elle englobe ainsi tout l'aspect historique de l'inconscient. Si l'on admettait précédemment que l'ombre humaine était la source de tout mal, on peut maintenant, si l'on y regarde de plus près, découvrir que l'homme inconscient, précisément l'ombre, n'est pas uniquement composé de tendances moralement répréhensibles, mais qu'il comporte aussi un certain nombre de bonnes qualités, des instincts normaux, des réactions appropriées, des perceptions réalistes, des impulsions créatrices, etc. En dehors de cette notion d'ombre, nous verrons aussi, tout au long de notre entretien d'aujourd'hui, l'importance de la notion d'anima et d'animus. L'anima, c'est la part féminine que tout homme porte en lui. C'est cette aspiration psychique qui le porte vers l'être féminin. Et l'animus, c'est pour la femme cette part masculine qu'elle porte en elle et qui, là aussi, attire la femme vers l'homme en complément de son psychisme. Voici des notions essentielles et je vous propose tout de suite d'écouter un premier document. C'est un extrait de l'entretien que j'avais eu à Zurich avec Madame Yolande Jacobi. Madame Yolande Jacobi qui fut de longues années la collaboratrice de Carl Gustav Jung, qui a écrit d'ailleurs deux livres très importants sur l'œuvre de Jung, dont un qui s'intitule « La psychologie de Carl Gustav Jung » et l'autre « Complexe, archétype, symbole ». Je ne peux contrôler que de ce que je suis conscient. Et c'est pour ça, n'est-ce pas, que tout d'abord, il faut travailler dans le processus d'individuation son ombre, c'est-à-dire tous ces traits refoulés et cachés qu'on ne peut pas employer ou qu'on n'ose pas, qu'on n'est pas permis d'employer dans son moi. Et les traits de l'ombre ont toujours le même sexe que le moi. Ils sont phénotypiquement du même sexe que le moi. Et après vient le développement de l'autre côté, n'est-ce pas, de la personnalité. Donc pour un homme, c'est côté féminin, et pour la femme, les côtés masculins. Et d'après Jung, et ça c'est quelque chose de très intéressant, ne doit vraiment être prise en travail qu'après que l'ombre soit ajoutée au moi. Parce que le moi est trop faible de rencontrer l'autre sexe sans cet élargissement par les traits de l'ombre. Et pour cela, Jung a beaucoup recommandé que dans la première partie de la vie, on doit s'occuper, en vue du processus d'individuation, de l'élargissement du moi par l'ombre. Et qu'au moment où on rencontre l'anima et l'animus, la deuxième partie de la vie a ouvert sa porte. Et cette deuxième partie dépend de la longueur de la vie. Chez une personne, ça commence à 30 ou à 35, chez une autre seulement à 50. Mais cette notion d'ombre a toujours fait partie du psychisme humain. Elle est un fond de l'humanité. En effet, regardez dans les mentalités primitives. Lorsqu'un individu marche sur l'ombre d'un autre individu, il lui jette un mauvais sort. Et il faut alors, pour l'homme sur l'ombre duquel on a marché, procéder à des incantations magiques pour éloigner le malheur. Dans la littérature, c'est une notion que l'on retrouve toujours. Voyez le Méphisto dans Faust, par exemple. Qu'est-il, sinon un appel vers l'ombre, sinon un appel vers le mal, sinon la tentation? Et dans le cinéma contemporain, le trucage de l'image a permis nombre de films où le personnage principal se voit face à lui-même, voit le tentateur arriver. C'est par conséquent une notion archétypique. Nous verrons dans d'autres émissions ce qu'est vraiment cette notion d'archétype. Mais là, avec l'ombre, nous en détenons déjà un exemple. Je voudrais maintenant vous faire entendre un autre document. C'est un extrait de l'enregistrement d'une conversation que j'ai eue à Paris avec Elie Imbert. Elie Imbert, que nous retrouverons d'ailleurs à de nombreuses reprises tout au long de nos émissions. Elie Imbert, ici, va nous préciser non seulement ce qu'est la notion d'ombre dans la psychologie jungienne, mais également, il va nous mettre en garde contre une mauvaise interprétation des termes essentiels de la psychologie jungienne. Quand on emploie le terme notion psychologique dans le contexte de la psychologie analytique, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que ces notions ne sont pas, à proprement parler, des abstractions. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas formées pour désigner des entités ou pour désigner des facteurs ou, on pourrait dire d'une façon très commune, des puissances dans le psychisme. Quelquefois, on interprète l'anima, l'animus, l'ombre de cette manière. Il ne s'agit pas de ça. Pour Jung, il est arrivé à l'ombre par l'effort d'interprétation des rêves. C'est d'abord une catégorie d'interprétation des rêves. Il apparaît dans les rêves différentes figures qui sont du même sexe que le rêveur, et ici nous nous situons bien entendu, comme Jung le fait toujours, au niveau de ce que Freud appellerait les contenus manifestes du rêve, il apparaît dans les rêves des figures du même sexe que le rêveur. Ces figures sont en rapport d'opposition ou d'accompagnement, d'amitié avec le rêveur. Comment comprendre ces figures-là et à quoi correspondent-elles? Jung a commencé à s'interroger là-dessus et à penser que ces figures représentaient une certaine position, d'une part du psychisme du rêveur, position qui était sexuée de la même manière que le conscient, et donc dans une relation que l'on pourrait dire relativement analogue à celle du conscient. À la différence des figures qui, par exemple, seront féminines dans les rêves d'un homme ou masculines dans les rêves d'une femme, qui indiqueront non pas des positions du psychisme parallèles ou analogues au conscient, mais complémentaires, en corrélation, et donc des figures qui seront médiatrices vers l'inconscient, puisque d'une manière très générale, c'est comme ça qu'il définit l'anima et l'animus comme des fonctions médiatrices. Si nous parlons maintenant, et si nous relevons dans les rêves, des figures du même sexe que le rêveur, il ne s'agit pas de médiation, il s'agirait de part du psychisme qui pourrait entrer dans le champ de conscience, qui sont déjà dans une position similaire à celle du champ de conscience, mais qui, en fait, ne s'exprime encore que dans les rêves, n'apparaissent encore que dans les rêves. Donc, pour résumer cette première approche, il faut bien penser que ces notions ne sont pas à proprement parler des concepts abstrayant quelque chose, ce sont des catégories qui permettent l'interprétation, et pas une interprétation intellectuelle, mais qui permettent le rapport du conscient diurne avec ce qui est apparu dans le rêve. Précisons tout de suite qu'il n'y a pas qu'une seule forme intérieure à l'ombre de se manifester dans le rêve, comme vient de nous le préciser Elie Imbert. Il y a également une autre forme extérieure. C'est le cas, par exemple, lorsque quelqu'un projette sur une personne de son entourage certains caractères qui sont cachés dans son inconscient. Nous sommes très étonnés de voir, par exemple, un homme très doux qui projette sur un de ses voisins, un de ses frères, un de ses cousins, une violence qu'il impute à cette personne qui ne la possède pas, alors qu'en réalité, c'est en lui-même, au niveau de son inconscient, que se trouve cette violence. Il en est ainsi de la politesse, de l'indiscrétion, d'une multitude de manifestations que nous sommes très étonnés de trouver chez certains de nos semblables. Mais si vous le voulez bien, nous allons revenir à la manifestation intérieure de l'ombre sous la forme du rêve. Lorsque j'étais à Londres, j'ai demandé au docteur Bennett s'il pouvait me fournir un cas très précis d'un rêve intérieur de l'ombre. It is a variable form, but constantly in dreams, one gets the figure appearing of the same sex as the person. Il est très frappant de voir que dans les rêves, l'ombre est toujours de même sexe que le rêveur. Un homme m'a raconté un rêve qu'il a fait récemment. C'est un rêve qu'il faisait constamment. Il voyait un homme qui essayait d'entrer dans sa maison. Ils allaient, l'homme et lui, d'une fenêtre à l'autre. À la fin, l'homme allait à la porte de derrière et faisait irruption dans la maison. Cet homme, c'était l'ombre. L'ombre était une partie ignorée du rêveur. Elle se conduisait mal et était animée d'intentions plutôt louches. Cet homme se considérait comme un modèle de vertu, honnête, honorable et méticuleux, tenant ses comptes scrupuleusement. Ainsi, quand il emmenait sa femme dîner au restaurant, il sortait toujours son petit carnet et notait exactement ce que le dîner lui avait coûté. Cela irritait d'ailleurs beaucoup sa femme. Mais il existait un autre aspect de sa personnalité. Il devenait parfois coléreux et se comportait mal, en particulier vis-à-vis d'un de ses collègues envers lequel il était de mauvaise foi. Et voilà donc ce que le rêve faisait apparaître. Par le truchement de l'ombre et par d'autres signes, le rêve mettait en évidence cet aspect de sa personnalité qu'il devait découvrir. C'est pourquoi Jung disait en parlant des rêves que c'était par là que l'on se rapprochait le plus d'une théorie de la compensation. Le rêve compense ou équilibre l'aspect de l'inconscient qui requiert une attention particulière. Ainsi, quand cet homme rêve d'un voleur qui essaie de pénétrer dans sa maison, il s'agit d'une compensation des sentiments d'insatisfaction qu'il ressent dans sa vie. La notion de compensation est donc la meilleure approche que Jung ait jamais faite d'une théorie du rêve. Elle apparaît toujours de manière extrêmement claire dans ses développements sur le concept d'ombre et bien sûr sur celui d'anima animus. Voici donc un exemple précis de rêve d'ombre dans le cas d'un Anglais. Elie Imbert, revenons à Paris, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de rêve d'ombre dans le cas d'une femme française ? Je pense au rêve dans lequel une femme d'une quarantaine d'années célibataire, menant un travail psychologique, animé par, disons, une attitude assez maternelle vis-à-vis des personnes dont elle s'occupe. Dans ce rêve, donc, elle voit une figure féminine du type de Néfertiti, c'est d'ailleurs son association immédiate, qui la cloue au sol par un clou qu'elle lui enfonce dans le pied. Si nous regardons ce que Néfertiti évoque pour la rêveuse, nous voyons que c'est la femme sensuelle, voluptueuse et passionnée, et surtout mettant sa sensualité et sa passion au service d'une intrigue qui lui permette d'exercer le pouvoir sur son mari, sur les conseillers de son mari et sur les pharaons qui ont succédé à son mari. Ainsi, chez cette personne plutôt douce, essentiellement maternelle vis-à-vis des gens dont elle s'occupe et avec lesquels elle mène un travail psychologique, tout d'un coup, chez cette personne, nous voyons surgir une force qui est en fait une force d'intrigue, de pouvoir, une force passionnelle, alors que cette personne célibataire de 40 ans n'a pas de vie sexuelle. Voilà un côté de l'ombre. Et pourquoi aller chercher la figure de Néfertiti? Parce que effectivement, elle est une image que l'on pourrait dire collective, une image classique, dont on retrouvera différentes adaptations dans les rêves d'autres femmes, ayant justement en elle une revendication de pouvoir écartée, refoulée, scotomisée. Et on verra des figures du type Néfertiti sortir pour exprimer cette part d'elle-même dont elle n'avait jusqu'à présent non seulement rien voulu faire, mais qu'elle n'avait jusqu'à présent pas voulu reconnaître. Et dans le rêve, nous voyons cette part du psychisme qui s'exprime dans la position et sous la figure de Néfertiti, clouée au sol, et donc bloquée la marche. Bloquer le développement, il y aurait bien sûr beaucoup à dire sur le symbolisme du clou et du pied, mais ce n'est pas notre propos pour le moment, puisqu'il s'agit pour nous de situer l'ombre. Nous voyons cette part arrêter la marche, clouer au sol, la vie de quelqu'un et le développement de quelqu'un qui semblait se dérouler en dehors de toute espèce de revendication de puissance. L'ombre, si elle est une fonction négative, peut barrer en nous l'accès au conscient des virtualités créatrices qui sont en notre inconscient. Et tout à l'heure, nous disions que cette part de l'ombre pouvait être due aux formations sociales, pouvait être due aux interdits de la société. Mais l'ombre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et Eliaber a bien fait d'insister sur cet aspect, l'ombre n'est pas seulement négative. Voici d'ailleurs la confirmation dans le texte Psychologie et Religion. Si les tendances refoulées de l'ombre n'étaient que mauvaises, il n'y aurait pas de problème du tout. Or, l'ombre est en règle générale seulement quelque chose d'inférieur, de primitif, d'inadapté et de malencontreux, mais non d'absolument mauvais. Elle contient même certaines qualités enfantines ou primitives qui pourraient, dans une certaine mesure, raviver et embellir l'existence humaine. Seulement, on se heurte à des règles établies. Un des aspects, certainement, dans l'art lyrique, du côté bénéfique, du côté positif de l'ombre, c'est Papageno de la Flûte enchantée. Bin ich ja stets lustig, heiß, auf, sassa. Ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Weiß mit dem Locken umzugehen und mich aufs Pfeife zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. Der Vogelfänger bin ich ja stets lustig, Ich wurde Sänger, bin bekannt bei alt und jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich, ich fing sie dutzendweis für mich. Da sperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären mein. Wenn alle Mädchen wären mein, so tauschte ich brav Zucker ein. Die welche mir am liebsten wär, der geb ich gleich den Zucker her. Und küsste sie mich zärtlich dann, wär sie mein Weib und ich ihr Mann. Ich schlief an meiner Seite ein, ich wiegte wie ein Kind sie ein. Ne pas accepter en soi-même cette présence de l'ombre présente un danger pour la vie et pour l'équilibre psychique, non seulement dans la vie de l'individu, mais aussi dans la vie des sociétés, dans la vie des civilisations. Nous allons voir tout de suite un cas bien précis de projection dans une histoire que la plupart d'entre nous ont vécue récemment. Auparavant, je voudrais vous lire cet extrait de Présent et Avenir. Connaître et accepter son ombre achemine vers cette modestie qui est nécessaire à la reconnaissance de ses imperfections. Mais précisément, c'est cela, l'acceptation consciente de ses petitesses et la prise en considération de ses mesquineries personnelles et de ses imperfections, qui est l'attitude la plus nécessaire chaque fois qu'il s'agit d'établir une relation humaine. Car la relation humaine ne repose pas sur la perfection et la différenciation qui mettent en relief les différences et les oppositions. Elle repose bien plus sur ce qui dans l'être est imparfait, faible, ce qui a besoin de secours et de soutien, sur tous ces éléments qui sont le fondement et le motif de la dépendance. Ce qui est parfait n'a que faire de l'autre, alors que ce qui est faible cherche un adossement et par conséquent n'oppose rien au partenaire qui le coince dans une position subordonnée ou qui l'humilie par une supériorité morale. Cette dernière éventualité ne se produit que trop facilement lorsque des idéaux altiers jouent un rôle de premier plan. Lorsque l'homme, lorsqu'une société, lorsqu'une doctrine, car Dieu sait si nous vivons à l'époque des doctrines, refuse cette partie de faiblesse, cette partie d'ombre, il faut bien qu'elle s'exprime. Alors que font-ils? Eh bien, ils effectuent une projection. C'est le cas tout à l'heure de cet homme dont nous parlions, de cet homme bon, doux, qui brusquement avait des accès de colère auxquels personne ne s'attendait. Il en est de même des doctrinaires. Il en est de même de tous les gens qui refusent cette part de faiblesse. Sur la notion de projection et sur son importance, voici ce qu'à Londres, le docteur Adler m'a dit. As everything that is unconscious, of which we are not aware, the shadow is projected. By projection, Jung means that we experience something. Comme tout ce qui est inconscient, tout ce dont nous ne sommes pas maîtres, l'ombre est une projection. Par le terme de projection, Jung entend faire l'expérience de quelque chose à travers quelqu'un d'autre qui nous représente. Les projections de l'ombre jouent un rôle extrêmement important dans les situations politiques. Elles apparaissent par exemple dans les rapports politiques entre deux grandes puissances. Elles se font tant de reproches, elles s'approchent avec tant de méfiance et de critiques mutuelles que l'on ne peut s'empêcher de penser qu'elles projettent l'une sur l'autre leurs sentiments de défiance et leurs problèmes sociaux. Ce processus se retrouve partout, entre les nations, entre les groupes, entre les partis politiques, bien sûr, entre les individus. On s'aperçoit souvent que telle personne n'est pas consciente de ce qu'il y a d'inférieur en elle, mais qu'elle l'a projeté sur une autre personne qui devient alors son pire ennemi. C'est ce dont parle l'Ancien Testament avec l'histoire de la poutre dans l'œil. Nous ne voulons pas savoir ce qui ne va pas en nous-mêmes, et nous le projetons sur quelqu'un d'autre, pensant ainsi avoir résolu le problème. En fait, le problème est encore plus sérieux. Je vous ai dit que nous allions évoquer un exemple précis de l'histoire contemporaine. Voici cet exemple par la bouche du docteur Liliane Freyron de Zurich. Le conflit entre les Juifs et les Allemands, n'est-ce pas, qui était, d'après Jung, un conflit de l'ombre. C'est-à-dire que l'ombre des Allemands, c'était les Juifs, et l'ombre des Juifs, c'était l'Allemand. L'un était le type Siegfried, fort, avec des coudes qui pouvaient conquérir le monde, qui pouvaient se débattre. Tandis que les Juifs avaient tout ce que les Allemands n'avaient pas, c'est-à-dire qu'ils avaient cette intelligence rapide, vive, très vive, beaucoup plus leste que les Allemands, mais pas de terre sur leurs pieds. Ils nous disaient toujours que c'était le problème de l'ombre. Nous poursuivons notre ordre logique dans la recherche de la notion de maturation, d'individuation, de pleine possession par l'homme de tous ses moyens. Nous avons terminé maintenant l'étude de l'ombre. Pourquoi d'abord l'ombre? Eh bien, parce qu'il est indispensable à l'individu de connaître toutes ses forces lorsqu'il va avoir affaire au problème de l'anima et de l'animus. L'anima, l'animus, la part du sexe opposé qui est en nous-mêmes, et nous avons vu avec le docteur Adler le cas de projection. Là, avec l'anima et l'animus, nous le verrons très en détail, car lorsqu'un homme tombe amoureux, non pas d'une femme, mais d'un type précis de femme, c'est qu'il projette sur cette femme la part féminine qui est en lui, et de même pour la femme. Cependant, avant d'aborder ces notions d'anima et d'animus, et après les notions d'ombre, il faut tout de même se poser une question qui va paraître bizarre dans notre époque effrénée de jouissance. Est-ce que tout cela peut se faire dans le bonheur? Est-ce que c'est en étant heureux que l'homme peut parvenir à cet état supérieur de lui-même? Jung a répondu dans l'ouvrage « Les types psychologiques ». Voici un extrait. L'accomplissement de la vie et sa totalité même exigent l'équilibre, et aussi un équilibre de joie et de peine. Mais parce que la douleur est positivement désagréable, l'homme préfère naturellement ne jamais devoir mesurer ni sonder à combien d'angoisses et de soucis l'être est voué. C'est pourquoi on parle toujours, avec une bienveillance assez oiseuse, d'amélioration, de bonheur aussi grand que possible, en oubliant qu'un bonheur est empoisonné si la rasade d'amertume et de malheur qu'il comporte n'est pas incluse. Là, nous abordons d'ailleurs la notion des opposés, la notion de dualité que nous verrons également dans une émission ultérieure. Agnella Jaffé, qui fut la secrétaire de Carl Gustav Jung et recueillit les propos qui sont à l'origine du livre « Ma vie », nous confirme la pensée du docteur sur ce point. La souffrance, par exemple, pour lui, était une chose très essentielle pour sa psychologie. Il n'était pas d'avis que la psychologie devait libérer l'homme de la souffrance. Seulement de la souffrance maladive, naturellement, oui. Mais la souffrance mène l'homme à approfondir sa vie. Et sans souffrance, on peut en faire pas de l'analyse, n'est-ce pas? Sans souffrance, on devient superficiel. La souffrance appartient à la vie. Aussi, une lettre, il s'est entretenu avec un philosophe hindou. Et naturellement, aux Indes, la philosophie, le but, c'est de libérer la vie de la souffrance. Alors, il y a eu une certaine controverse très intéressante, très amicale. Et Jung dit non. Mais si vous amener l'homme à pouvoir supporter la souffrance et porter sa vie. Alors ça, c'est le but. Mais pas la délivrance de la souffrance, parce qu'on ne vit plus. La vie, c'est toujours la souffrance. On ne peut pas vivre, vraiment vivre sa souffrance. Sans souffrir, alors on se retire de la vie, comme aux Indes, des fois, c'est sain, n'est-ce pas? Ils se retirent de la vie, ils mènent une vie d'érémite. Alors oui, mais tant qu'on est dans la vie, on souffre. Et ça, c'est tout à fait naturel pour Jung, mais pouvoir supporter cette souffrance, ça, c'est la question. Nous allons voir que si l'anima est une figure unique pour l'homme, par contre l'animus est une figure multiple pour la femme. Et en illustration de cette unicité de l'anima, je vous propose d'écouter un extrait des Amours de Ronsard par Antoine de Bertrand, à titre où, justement, l'homme cherche vraiment sa nymphe, puisqu'il s'agit de « Je vis ma nymphe entre 100 demoiselles ». Dans une première approche, docteur Roland Cahen, il est peut-être bon de savoir si l'anima et l'animus ont des fondements biologiques et physiologiques. L'anima a des racines, des origines, les unes biologiques, les autres formatives. Au niveau biologique d'abord, chaque être est bisexué. Ce n'est qu'au bout d'un certain temps de l'évolution embryologique que l'être indifférencié voit son sexe se préciser de façon déterminée vers l'un ou l'autre sexe. C'est si vrai qu'il y a des êtres qui malencontreusement ne jouissent pas de cette maturation jusqu'à son terme et qui restent ce que l'on connaît en médecine comme étant des intersexes, des êtres intersexués mal différenciés entre un homme vrai et une femme vraie, avec quelquefois même au niveau anatomique des malformations. Tout cela est banal. Mais même chez l'homme le plus homme, il y a des traces qui restent dans son organisme de son devenir embryologique et qui fait que, à titre d'évocation et en quelque sorte pour mémoire biologique, il porte des traces du système glandulaire de l'autre sexe. Et aussi bien, on peut parler d'une andropause, c'est-à-dire de la ménopause chez l'homme qui correspond à la ménopause chez la femme et qui détermine chez l'homme, de façon moins spectaculaire, mais quelquefois avec autant de conséquences vitales, qui correspond chez l'homme à ce qui, chez la femme, est la ménopause. Donc, au niveau endocrinien, aucune ambiguïté, nous savons que chez l'homme le plus mâle et le plus viril, Il garde au niveau biologique des axes de structuration et des traces d'une polarité et d'une polarisation féminine ou féminoïde qui aurait été possible. Et il semble que ce soit cette donnée biologique et endocrinologique qui fasse partiellement le lit de l'anima. Car à cette polarité féminine au niveau biologique correspond une espèce de polarité féminine au niveau psychologique. L'homme le plus mâle et le plus viril dans son conscient, dans son inconscient, garde les traces d'une psyché féminine. Autrement dit, le pressing de l'inconscient chez l'homme est féminin et le pressing de l'inconscient chez la femme est masculin. Mais, docteur Roland Cahen, la psychologie freudienne a permis de découvrir l'importance de la relation entre la mère et l'enfant. Est-ce que la coexistence au sein d'une famille entre les parents et l'enfant n'est pas, dans une certaine mesure, à l'origine de la formation, non pas de la notion d'animus et d'anima, mais du type d'anima ou d'animus que l'enfant portera en lui plus tard? C'est à travers cette coexistence psychique, émotionnelle, affective avec la mère que le petit garçon constitue son anima. La même chose vaut pour la fille qui constitue son animus à l'adresse du père en passant par un détour plus long à travers la mère, étant bien entendu que c'est la mère qui, par l'acceptation qu'elle a de son mari, présentifie au contact de l'enfant la présence du père dans les premières années. Et ce n'est que petit à petit, à travers ce vecteur de médiation maternelle qui accepte la masculinité du père-mari, ce n'est qu'à travers la mère que la petite fille prend un contact qui d'abord était second avec le père et la masculinité. La petite fille développant alors, parallèlement à la tension de l'Œdipe, une tension du complexe d'Électre. Et c'est à travers ces vécus, en face de la mère et du père, que les jeunes enfants meublent, édifient, structurent, enrichissent leur imagerie de l'anima et de l'animus. Mais, docteur Roland Cahen, est-ce que l'anima et l'animus forment une entité semblable? L'homme, dans son conscient, est facilement polygame, alors que l'imagerie inconsciente de l'anima, elle, est monogame. On rêve d'une reine du ciel. La femme, au contraire, dans son inconscient, est polyandrique, et son animus, à l'opposé de l'anima qui est seule et unique, une reine du ciel, une Brigitte Bardot, pour être plus terre à terre. La femme, elle, dans son inconscient, rêve son animus, sa fonction intermédiaire entre conscient et inconscient, sous forme d'une pluralité de figures mâles. Ce sera une troupe d'hommes, ce sera un groupe de héros. Mais que ce soit telle ou telle incarnation imagée et imageante, que ce soit l'anima ou l'animus, au niveau de la psyché profonde de l'être, la dignité singulière de cette fonction psychologique, c'est qu'elle est la fonction intermédiaire entre un conscient qui chez l'homme est entièrement viril et mâle et ignore tout du féminin, et un inconscient féminoïde, et à l'inverse chez la femme, un conscient qui n'est que féminité si tout va bien, si elle accepte sa féminité, et un inconscient masculinoïde dont elle ignore tout. Voici une nouvelle précision, extraite de l'ouvrage « Die Psychologie » der Übertragung. Dans sa première forme inconsciente, l'animus est une instance qui engendre des opinions spontanées, non préméditées. Il exerce une influence dominante sur la vie émotionnelle de la femme. Tandis que l'anima est semblablement une instance qui engendre spontanément des sentiments, ceci exerçant une influence sur l'entendement de l'homme et entraînant sa distorsion. On dit « elle lui a tourné la tête ». L'animus, se projette donc de préférence sur des personnalités notoires, intellectuelles et spirituelles, et sur toutes sortes de héros, y compris les ténors, les artistes, les célébrités sportives, etc. L'âme, au cours du processus d'individuation, s'adjointe à la conscience du moi, et possède donc chez l'homme un indice féminin et chez la femme un indice masculin. L'anima de l'homme cherche à unir et à rassembler. L'animus de la femme cherche à différencier et à reconnaître. Il y a là des positions strictement contraires qui constituent, au plan de la réalité consciente, une situation conflictuelle, même quand la relation consciente des deux partenaires est harmonieuse. Voilà qui explique bien des mésententes dans des ménages, des mésententes dont les partenaires eux-mêmes ne s'expliquent pas les causes et les raisons. Cet anima, ce type de femme que tout homme porte en lui, il doit bien y en avoir une manifestation matérielle. Mais évidemment, il suffit de considérer les œuvres des artistes. Regardez telle femme dans les tableaux de Rubens. Regardez les jeunes filles de Botticelli, par exemple. Botticelli a toute sa vie peint le même type de femme. Regardez les femmes dans les peintures de Cranach. Chez tel peintre, comme chez tel sculpteur d'ailleurs, c'est toujours le même type de femme que vous retrouvez. Le peintre exprime, le sculpteur exprime le type de femme qui est en lui. Il le projette sur une matière qu'il travaille. Et en parlant de sculpture, tous ces visages, tous ces bustes de l'Antiquité. Oh, bien sûr, il y a la reine Néfertiti. Bien sûr, il y a telle impératrice, c'est certain, romaine. Oui, bien sûr, mais n'est-ce pas aussi transfigurer une certaine figure de l'anima collective des hommes d'une époque. Car il y a des figures d'anima collective. Et la mode elle-même n'est-elle pas un reflet de cette anima collective et qui peut être passagère, qui peut évoluer pour une société dans le temps? André Virel nous rappelle justement dans le domaine de l'archéologie l'importance de la notion d'anima. Si on pense par exemple à une sculpture de Néfertiti, c'est que si cette sculpture est admirée de nos jours, comme il a été admiré à travers les siècles, c'est qu'elle porte effectivement une force telle que elle dépasse certainement l'image de Néfertiti elle-même et que nous retrouvons dans l'appréhension de cette sculpture, la transposition que l'artiste, admirant ou adorant Néfertiti, a pu faire passer dans sa sculpture elle-même. Certainement, tout dépend de l'artiste qui a été choisi, tout dépend de l'admiration ou de l'adoration que cet artiste avait. Mais il est bien évident que toutes les grandes œuvres des grands rois ou des grandes déesses qui sont venues jusqu'à nous, qu'elles soient anonymes ou personnalisées, ont porté en elles-mêmes la projection de l'anima de l'artiste, qui était ce qu'on peut appeler, je n'aime pas le mot, mais une sublimation de l'image de la femme. Qu'est-ce que l'image de la femme pour un artiste d'ailleurs? Et ce n'est pas pour rien que nous choisissons là comme exemple particularisé l'image de la femme, c'est-à-dire la projection de l'anima. C'est que l'image de la femme, en fait, dans de nombreux contextes symboliques, a été considérée, projetée comme étant l'image du monde. Je n'en veux pour exemple que le tarot de Marseille ou l'arcane 21, c'est-à-dire le dernier sur les 22 arcanes, puisque l'un n'est pas numéroté. Le 21e arcane s'appelle le monde, mais est exprimé par l'image d'une femme. Je crois en effet que l'image de la femme est particulièrement significative à ce sujet. C'est que pour le créateur, la femme est l'image du monde. Elle est l'image d'une totalité à la fois nourricière, de tendresse, de relation qui fait que pour l'homme, le monde peut s'exprimer symboliquement par l'image de la femme. Mais à notre époque, docteur Bennett, est-il une figure d'anima qui réapparaisse assez souvent dans les rêves des hommes anglais? But it's interesting here that the anima figure very often appears in the dreams of men. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'anima apparaît très souvent dans les rêves des hommes sous les traits de la reine. La reine est une espèce de modèle féminin, une sorte d'exemple de la vie féminine parfaite. La majorité des gens peuvent n'avoir jamais vu la reine, mais ils lui attribuent toutes sortes de traits. Ils ne sont pas particulièrement intéressés par sa vie personnelle, ce qu'elle prend pour son petit déjeuner, etc. Mais elle est un symbole. Elle est la meilleure expression de ce qu'est la femme idéale. Cet anima apparaît toujours dans les rêves masculins sous les traits d'une personne très vertueuse, inaccessible. Progressivement, dans les rêves, elle devient familière, plus personnelle. Mais, comme toujours en notion jungienne, il ne faut pas envisager une figure sous un seul aspect. Il y a toujours dualité. L'anima peut être positive et l'anima peut être négative. Et lorsqu'elle est négative, elle peut entraîner jusqu'à des extrémités très graves. Elle peut même entraîner un homme jusqu'au suicide. Voici un extrait de la dialectique du moi et de l'inconscient. On trouve vertueux que l'homme refoule autant que possible ses caractères féminins. De même que l'on trouvait pour le moins inconvenant jusqu'ici qu'une femme fût une virago. Le refoulement des tendances et des caractères féminins conduit naturellement à une accumulation de leurs exigences dans l'inconscient. L'imago de la femme devient tout aussi naturellement le réceptacle de ses exigences. Et c'est pourquoi l'homme est souvent tenté de choisir en amour la femme qui correspond le mieux à sa propre féminité inconsciente, c'est-à-dire la femme qui pourra accueillir sans difficulté la projection de son âme. Et c'est là qu'est le danger. Car si cette projection, si cette part féminine en l'homme est une part négative, une part dangereuse, l'homme est entraîné. Et alors nous assistons à ces drames passionnels que nous retrouvons d'ailleurs dans la littérature. Aspect positif aussi, car une anima peut être entièrement spiritualisée, comme nous allons le voir tout à l'heure. Mais sous cet aspect ou positif ou négatif de l'anima, j'ai toujours à Londres interviewé le docteur Adler. Dante et Beatrice, well, here we have what one might call the projection of a positive anima. But there are, of course, such projections. Entre Dante et Béatrice, nous avons ce que l'on peut considérer comme la projection d'une anima positive. Mais il existe évidemment des projections de ce genre qui sont des plus négatives. La fascination qu'une femme exerce sur un homme peut venir uniquement de ce qu'elle représente pour lui, sa propre dimension féminine, ignorée, dissimulée et primitive. Et l'un des exemples les plus connus que nous en ayons se trouve sans doute dans un film. Je veux parler de L'Ange Bleu avec Marlène Dietrich. Le professeur tombe amoureux d'une fille assez superficielle qui, à la fin, amène sa ruine. Psychologiquement parlant, il s'agit là de sa part d'une totale méconnaissance de son côté féminin. Au lieu de chercher à le connaître, à ressentir ses émotions en lui-même et à les développer, il projette tout cela sur une femme qui représente tous ses instincts primitifs, sensuels et primaires. À Küsnacht, aux environs de Zurich, j'ai eu une longue conversation avec Madame von Franz. Madame von Franz, que nous retrouverons d'ailleurs dans l'émission consacrée à l'alchimie, car c'est elle qui a traduit pour Carl Gustav Jung tous les textes médiévaux, en latin ou en grec, sur l'alchimie. Et avec Madame von Franz, nous avons évoqué les figures de l'anima. Je lui disais, mais enfin, la femme, c'est une multitude de possibilités. Au plus bas de l'échelle, nous pourrions placer, par exemple, la pin-up girl, dont le rôle semble n'être que d'exciter des fonctions biologiques. Ensuite, une certaine spiritualisation de la femme pourrait apparaître avec la Vierge Marie, qui est, elle aussi, une projection d'une féminité psychique très évoluée dans l'homme. Et puis, la Minerve, la sagesse. Alors, Marie-Louise von Franz, qu'en est-il exactement de cette hiérarchie de l'anima? Si un homme ne sait pas beaucoup de son anima, ça commence avec la fantaisie érotique, pour ainsi dire. Alors, s'il développe ce problème, ça atteint le niveau de faire une relation, c'est la hétéra. Nous avons pris l'exemple de Hélène de Troie, qui n'est pas seulement la fantaisie sexuelle, mais aussi une relation humaine avec la femme. Après, bien, l'idée de la spiritualisation, comme vous voyez, par exemple, dans le mysticisme du Moyen-Âge, où il choisissait la Vierge comme symbole de l'anima, pour ne plus le projeter sur une femme qu'on traite, mais c'était vraiment une différenciation de l'éros intérieurement. Et après, le prochain, le quatrième, ça serait la sagesse, dont Jung dit avec un sourire, un peu moins, c'est plus. Ce qui veut dire, il y a une redescente vers la matière, vers le concret, vers le plus humain. Parce qu'encore dans la Vierge Marie, il y a une trop grande spiritualisation. C'est trop pur, c'est trop parfait. Ça manque un peu la sagesse. Il dirait qu'un homme qui a atteint cette chose d'anima, premièrement, pourrait vraiment faire une relation avec les femmes, comprendrait vraiment la femme. Pas seulement sur le niveau biologique, mais comme être humain, il pourrait faire un contact complet. Mais plus importamment, il aurait une attitude sentimentale de sagesse envers lui-même et le monde, vers l'inconscient et le monde extérieur. Nous avons vu que l'animus ne se présente pas sous la forme d'un type unique d'homme, mais au contraire, sous l'apparence d'un ensemble d'hommes, d'une troupe, des vieux sages, des guerriers, des héros. En illustration, je vous propose d'écouter un extrait du Chœur des pèlerins dans Tannhäuser. Lorsqu'on a découvert et rendu consciente en soi la partie du sexe opposé que nous portons nous-mêmes et que nous ne connaissions pas, nous obtenons une très grande maîtrise de nos émotions, de nos affects. Et puis surtout, nous atteignons cette image de l'âme. Et c'est une rencontre très importante car elle signifie que la première partie de la vie, qui sur le plan de l'amour était une partie d'accomplissement biologique, est terminée, et que désormais, l'amour, le sens de l'amour, va se porter à l'intérieur de nous-mêmes, que ce sera un au-delà qui se prépare. Le plus bel exemple que l'on puisse peut-être trouver de cette évolution de l'image de l'anima, c'est dans le Faust de Goethe. En effet, au départ, Faust aime Marguerite en tant que présence terrestre. Mais, après les cruelles déceptions qu'il éprouve, il atteint un monde souterrain, selon le propre mot de Goethe, et ce monde est symbolisé par Hélène. Voici, au cours de cette émission, donc, l'étude des notions d'ombre, d'anima et d'animus, qui nous ont permis de comprendre par quel processus l'homme peu à peu atteignait son individuation. Dans notre prochaine émission, nous évoquerons alors l'homme